بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 19e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيحدث من معاني فعل فعل المبالغة أو التكسير نعم المبالغة أو نواصل في الدرس. أنت؟ أحضر تلاميذ دفاترهم. نعم، هذا لا متعدي يعني. جول؟ جول الحمام في الغداء. ها؟ جول الحمام في الغداء. أمس؟ أمس الأخوان مجتهد. أمس إيش؟ أمس الإخوة مجتهدة. لا. أمس الإخوة مجتهدون. لا. مجتهدين. إنما. إنما هو صالح. علي. أرامل المركز. أو أرينا. أرينا. طيب ندخل في الدرس التاسع وعشر والتاسع عشر. وإذا يتعرف بوزن آخر سيكون الوزن فاعل. كيف يتصرف وهو الشيء كذلك. سأقرأ المدرس وأنت علي أنت هو ومجاهد نفس الشخص. أنت الزهير أيوة الزهير. أنت أبو بكر. أنت عبد الله وأنت المراقب. هذا يقول المدرس. أين أحمد يا إخوان؟ وأحمد هو إخوان. أنا سافر إلى مكة لعيادة أخي المريض. Il dit il a voyagé à Mecca pour visiter son frère, pour la visite de son frère, il est malade. عيادة c'est مصدر عادة يعود لا هنا بمنازل زار يزور يجلس. معنى يزور يزور. نعم. المريض. يقول عافاه الله من من أنت يا أخي كأنك طالب جديد. donc il dit que là يعني le cousin عافا يعني عافا قريب من ال هنا بتصل العافية كيف في موضوع الpreservation limité protection هذا ما forme de protection. qui es-tu mon frère? c'est comme si tu étais un nouvel étudiant. نعم واسمي مجاهد. Il dit oui, et mon nom est Mujahid. كأنك من الهند. C'est comme si tu étais de l'Inde. أنا أصلا من الهند. إن أبي هاجر من الهند إلى أستراليا. أستراليا. وهو شاب. وأنا ولدت هناك. Il dit أصلا, je suis d'origine de l'Inde, d'origine sud de l'Inde. Et mon père a émigré en Australie alors qu'il était jeune. Je suis né là-bas. Et moi, je suis né là-bas. Alaka Zahou Kurba Filhid, as-tu des proches en Inde? Donc Zahou, là, c'est Djam de Zou. Mais là, il y a un també, là, puisqu'il fait Hajra et Ibrahim. Qui veut l'Hajra, l'aura tante. Naam, safartu l'am, le mardi, il a parlé de Filhid. وقابلت أعمامي وأخوالي وأولادهم وهم كثيرون وأولادهم كثيرون وهم كثيرون أبي يزورهم كل سنة ويراسلهم دائما. Il dit oui, j'ai voyagé l'année dernière dans notre village, notre contrée en Inde. Et j'y ai rencontré mes oncles paternels et oncles maternels. Il y a des rencontrés, il m'en a fait la connaissance. Et leurs enfants. Et ils sont nombreux. Mon père les visite tous les ans et il correspond avec eux tout le temps. Alors, ça, là, il y a dans ce loup, c'est en correspondance. Mais Kabbalah, c'est pas quelqu'un que tu connais déjà, tu dis on se donne rendez-vous. Pas forcément. Vas-y. À quoi aujourd'hui dit mon Kabbalah pour une khidba avec une sœur? Tu la connais pas. Mais à la voix, c'est khidba, c'est pas mon Kabbalah. Juste. Ardiabatki al-Jamiatul Islamiyya, est-ce que la Jamia Islamiyya t'a plu? Non. Alhamdulillah. Il y a des coups en l'intihaqi. وبالتحاقي بهذه الجامعة المباركة التي في مهبط الوحدي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit oui, je suis heureux d'y être inscrit, de m'y trouver, qu'en fait l'intihaq, c'est vraiment quelque chose, inscrit à quelque chose, là c'est masdar. Donc je suis ravi, on va dire, heureux de mon inscription dans cette université bénie, celle qui est le lieu de descente de la révélation. Marbit, ça vient de Rabata Yerbeto, qui est descendre. Et là, c'est Ism Mekan. Donc le lieu où la descente, la révélation est descendue. Wa Muhaja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Ism Mekan. Le lieu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la Hijra. Libata Akharta. Ism Mekan, Ism Mekan, non? Là, Ism Mekan, là. اسم مكان بمين مكان بمين مكان اسم مكان كلها اسم فول في الرباعي سي مثل اسم فول ودي المهاجر اليه سي مثل اسم فول لا اسم مكان لماذا اخرت يا مجاهد جدت بعض مدي شهر من بدء الدراسة. Donc il dit pourquoi as-tu tardé au Mujahid? Je suis arrivé après l'écoulement du mois depuis le début des études. Moudi c'est le masdar de Mada Yamdi. Ou Badi, le Bad Akada c'est Mana Bidaya. Bad Akada c'est Mana Bidaya. Pourquoi tu fais tant de cas de rousse? Et certes beaucoup de comptes ont échappé. On dira que tu as raté beaucoup de cours. Donc il dit, j'ai beaucoup tenté de venir au début des études. Cependant, je n'ai pas pu. J'espère que tu m'aideras à comprendre les cours qui m'ont échappé, les cours ratés. Ça vous sert à Edouka, Inch'Allah. Je t'aiderai, Inch'Allah. Et Troul, Zouhaïr. Zouhaïr rentre. Ya Zouhaïr, innaka ghayr muwazzib. Uridu anashkouaka ilal mudir. Donc il dit au Zuhair, tu es certes irrégulier, c'est-à-dire des fois tu viens, des fois tu viens pas. Je veux me plaindre de toi chez le directeur. Il dit, pardonne-moi au professeur, je ne m'absenterai pas, ni ne serai en retard dans le futur ou à l'avenir. Inch'Allah. طيب لنراجع الدرس اقرا الايه يا علي كنا نريفيون لو كور لي لو فيرسي او علي بعد الاستعاذة والتسليمة بعد ايش الاستعاذة والبسم الله وبسم الله بسم الله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Il dit dans le sens relatif et rapproché, vous qui avez cru, vous démontrerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah. En fait, c'est une forme d'ordre. L'ayati à la sirat al-mudariya, la kinmana al-amr. Il faut que vous croyez en fait. Que vous croyez en Allah et en son messager. Que vous combattiez sur le sentier d'Allah par vos biens et vos personnes. Cela est meilleur pour vous si jamais vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous rentrera dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et de bonnes demeures dans les jardins de Adam. Et cela est telle la grande victoire, la grande réussite. Inna Allah la ghafurur rahim, ya Aba Bakr, ma tijaratu allati dallana Allah ta'ala alayha. Donc, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ou à Babak, quel est le commerce que Allah nous a démontré? Il dit, c'est la foi en Allah et en son messager, et le jihad sur son sentier, par les personnes ou par les biens. Uzkuru ayatan ukhra tahuthu al-muslimina al-jihad ya Zuhayr. Donc il dit, cite un autre verset qui incite, qui incite les musulmans sur le jihad au Zuhayr, au jihad ya Zuhayr. Allah dit dans le même verset, dans la même sourate, certes Allah aime ceux qui combattent sur son sentier en un seul rang, comme s'ils étaient une bâtisse bien construite, un île soudée, ou bien fondée. Dans les circoules, Man allazi yuhibbuhumullahu ya Ali. Qui sont ceux que Allah aime, ô Ali? Il aime les combattants, les mujahidines. Et les combattants sur ce sentier. Là, il y a un code taqouniani mujahidan bidoun ketel. Tu peux être un mujahid sans pourtant avoir combattu. Par exemple, par tes biens. Ou talabalim. Ou un alim. Ou le jihad, c'est. J'ai le os du jihad, souvent c'est le combat, mais ça peut être bien plus large que ça. Alors, quand tu dis, c'est vraiment le combattant. C'est même os, mais là, on ne va pas dire quand tu fais un ijtihad, on ne va pas t'appeler mujahid. Mais le jihad, c'est plus large que le ketel. Le ketel, c'est dans le monde jihad. Le jihad, il y a des choses qui rentrent dedans, c'est voir du ketel. Allez, kayfa yuqatilu ha'oula. Comment combattre cela? Yuqatiluna fi sufuf wa yathbutun. في أماكنهم عند الملاقات Donc il dit, ils combattent en rang et ils restent fermes sur leur place face à l'ennemi, ou quand ils rencontrent l'ennemi. Et même Moulaka, c'est la rencontre, face à face. Mazat ufidu ka anna ya Zuhayr. Que veut dire ka anna ou Zuhayr? Il dit, le ka'anna a pour sens ou profit au tashbih, le fait de faire ressembler, comparaison. À l'exemple 2, c'est comme si le mezid était une école. Ka'anna mezid madrasatun, c'est comme si le mezid était une école. Ka'anna kitab madrasatun, c'est comme si le livre était un professeur, un enseignant. Et pareillement, la pour sens de la. Comment on dirait ça? Soupçon pensée. Quand tu dis Kenani Aralifouk, c'est comme si je te connaissais. Intuition. Ouais, intuition, ouais. Dans le cercle, Arsène Taïa Zouhaïa. Malaka, Tenaas ou Ya Abdullah. Tu as bien répondu au Zouhaïa. Que t'arrive-t-il à somnoler au Abdullah? La Toua Khilmi Ya Ustan. Zurtu Baïhatun Jaran. Ah, Zurtu Wesh. Zurtu. Jlis. Al-Bariha Ten. Balhata. Alors. Jaran. Li jalas. Li jalastu. Wa. Wa jalastu. Li wa jalastu. Toi t'as dit. Jaran li jalastu. T'as pas dit waou. Li wa jalastu. Indaou. Ushahidu. Mubarata. Karatil. Sura. Kuratil kadam. Kadam. Ala shasha. تلفازي إلى المنتصف الليل. إلى المنتصف الليل. ما في الفرق. المنتصف الليل. قال لي. Ne me reprends pas, Oustaz. C'est-à-dire, ne me blâme pas. J'ai visité hier soir un de mes voisins. Je me suis assis chez lui et j'ai regardé un tournoi de football sur l'écran de la télévision jusqu'à minuit. Dans le circuit. Ma yanbaghi li talib an yudayya waqtahu fi mushahadati al-tilfaz. Donc il dit qu'il ne convient pas au talib, à l'étudiant, de perdre son temps à regarder la télévision. Et ça, c'est pas une perte de temps, c'est même un haram de regarder la télévision, car à la base, il y a des images. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu al-malaikatu baytan fi kalb sura. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu al-musawwirin. Il n'y a pas d'un hadith qui prouve ça. Que ceux qui font des images, ils seront châtiés, et leur sera demandé de faire vivre ce qu'ils ont façonné, et ils en seront incapables. Donc le blâme du Moudaris, elle est vraiment très léger. Et c'est... Écran. Donc soit football ou n'importe quoi, même regarder des Olamas, comme ça, beaucoup ils font aujourd'hui, là. Non, moi je regarde juste Chirfoulaine à la télé, c'est tout. Enfin, ça, tout rentre dans le même point commun. Et les savants qui ont émis les fatwas qui autorisent cela, sont trompés. Et ils sont trompés, et leur parole n'est pas une preuve. Ni leur faire. Les paroles, les faits qui sont des preuves sont celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je parle parmi les créatures. Yunadi Mudarisu Murakim. Le professeur appelle le Murakim, le surveillant. Murakim yakul. Bad al-tahiyati wal musafaha. Ana daytani ya oustaz. Donc après les salutations et la poignée de main, il dit m'as-tu appelé oustaz? Ah, ça j'ai lu le Murakim. C'était qui là? C'était toi, Afwan. J'ai pas vu le nom, je crois que c'était le tout ensemble, tu vois. Zab, Mata Yaoud al-Mudir. Oui, quand est-ce qu'il revient, le directeur? Il se peut qu'il revienne aujourd'hui, Inch'Allah. Un Yaoud. Adjib, un Askilak Adjib. Répond aux questions suivantes. Dans les textes, il n'y a pas des conseils, quoi. Des fois, dans les textes, il n'y a pas les données, quoi. Il y a l'échec. Que quoi, si c'est un prof salafi qui vont là-bas, il leur dit. Sinon, je ne fais pas des profs, c'est pas les salafis, là. Ce n'est pas les salafis les plus pratiques. Même les salafis sont extrêmement peu. Et même les salafis là-bas, la télé, je ne pense pas que ce soit un truc qui les dérange pas. Pas beaucoup d'entre eux. Quand on voit l'état de ceux qui amènent des Medina en France, tu vois, franchement, déjà la hijab n'est pas obligatoire. T'en as, ils peuvent porter le pantalon, style là-bas, ou je ne sais quoi. T'en as là. T'as l'autre là, tu peux habiller la mieux là, j'ai mis celle-là qui vient. Tu vois, regarde les résultats. Ils n'ont pas fait des. Ils n'ont pas envoyé du khayr en France. Pas beaucoup d'entre eux. Ils aiment l'argent là. Donc, moi, je pense que même si ils sont salafis, la télévision, je ne sais pas si ça pose problème. Vous allez vous dire, tu regardes pas le foot, tu vas dire, je regarde pas le foot. Je la cherche le même. Ça, ils ont le foot aussi parmi les choses. Déjà, le football en soi, avec les règles, comme pénalty, coup franc, touche, cada. Ça, c'était jamais un coup phare. C'est un truc que les gens n'ont pas compris, c'est que lorsque les savants disent il y a un jour, l'aïb qu'on a fait quand même, il veut dire quoi ? De jouer au ballon, au pied. C'est pas jouer au foot comme eux ils le font là. Avec le goal, avec les cages, avec les deux équipes, et tout ça. C'est pas ça qui veut dire. C'est le fait que par exemple, toi, tu fais des passes à un copain par exemple, ou un frère, ou tu tapes contre un mur. Tu joues au ballon de ton pied. Mais c'est pas comme eux ils le font aujourd'hui. À la manière dont ils le font aujourd'hui avec toutes les règles. Et également, quand tu joues au foot, t'as pris ton short. Et tu cours. Donc t'as Aura, t'as que tout chef. C'est parti à team, c'est des cours. Toutes ces règles-là, chez les nazis, c'est pas le coup. Les couleurs très cadavres, c'est pas forcément football, c'est en fait le ballon, du haut ballon au pied. C'est pas forcément le football comme on connaît. Surtout de faire deux équipes aussi. Ça amène à la rada, ouais. Tu vois, ça amène une forme de. Tu viens de verser avec ton frère, ça peut amener des choses qui ne sont pas bien. On a déjà vu ici des choses, pas sur bagarre, sur le football. Insultez-toi. Par exemple, des frères salafis, tous les pédalés, sur le terrain, c'est plus la même personne. C'est fini. Tu ne les reconnais plus. Il y a le hadith aujourd'hui, peut-être. Alors, là, c'est pas ta mère. Comme Asila, il y a au Lima, Safara, Ahmadou, il est Mecca. Pourquoi est-ce que Ahmed a voyagé à Mecca ? Fadien, min Aina Mujahid. Donc il dit d'où est Mujahid et quand est-ce que son père a émigré de l'Inde. Donc là, comme je te dis, Hajar, je crois que c'est le mana, le sens littéraire et pas le sens législatif. Alors, sinon, c'est pas une hijra. La hijra, c'est une belle d'islam, une belle de kouf, il avait l'islam. Donc tu parles pendant l'Australie, en Chalaam, ça n'est pas une hijra. Il a un péché, quand même. Pas forcément. On ne sait pas pourquoi on a été. Par exemple, tu quittes Bruxelles pour aller à Birmingham, tu vois, comme certains. J'espère que tu ne peux pas me ranger quand tu fais ça. Ouais, ou tu quittes Paris pour aller à Birmingham, je parle là, j'espère que tu ne peux pas me ranger. Il ne faut pas rêver, tu vois. Parce que demain, moi, je suis parti à New York, alors tu vois. L'autre, il va partir à Mexico, l'autre, il va partir à Bangkok, l'autre, il va partir. Ouais, moi, j'ai un quartier là-bas, il y a des salafis, je suis à Bangkok, tranquille. Tu dis, bon, moi, je vais aller à Los Angeles, là-bas, il y a un quartier des frères salafis, j'ai été régénéré, Inch'Allah. Alors là, tranquille. Et on va commencer à jouer avec le dîme d'Allah. Pourquoi est-ce qu'Abdullah était somnolent, piqué du nez, comme on dit. رابعا ما التجارة التي دلنا عليها الله تعالى في سورة الصف. Donc quel est le commerce que Allah nous a démontré à le très haut dans la sourate dérangée. Sauf. طبعا هذه الأسئلة الدرس العادي. عفوا. تعالى. لأن إيش مصدر الفعل. الفعل. Pourquoi ce n'est pas Ya'ala? Adafir Jabin. J'ai pas compris aussi en gros dans le texte, il dit qu'on dit tout bas, Moulibi Shah. C'est-à-dire. Qu'un mois faut passer. Après, le. Faut passer un mois. C'est un mois c'est pas Shah al-Mari, on dit pas la semaine. Là, il va comprendre qu'un mois est passé. Pardon, un mois est passé. Je suis arrivé à la salle. يقول من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب فاعل زيدت فيه ألف بعض الفاء. Donc parmi les catégories de verbes ثلاثي مزيد on a celui qui a sur la mesure فاعل auquel on a ajouté un ألف après le فاء. نحو سافر سامح أخذ Safara ma'louf, voyager. Samaha, c'est bien le fait de pardonner, de permettre. Et akhafa, c'est le fait de blâmer. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sans prendre quelqu'un aussi. Mouvement blâmer ou c'est vraiment. Blâmer sans prendre quelqu'un, reprendre quelqu'un, reprendre quelqu'un pour quelque chose. يقول يستخدم الدرس الأفعال الواردة فيه من باب فاعل هذا كذلك سيكون لي الدرس الآتي يصنع تطول الverb في الوزن فاعل يقول تعمل المثالين ثم حات المضارع والأمر والمصدر من الأفعال الآتية donc il dit médite pour les deux exemples et ensuite donne le présent ainsi que l'impératif et le mazdar des suivants. Awalan, shahada, qui veut dire regarder, contempler. Le mudari, yushahidu, alawaz, yufa'ilu. Al-am, shahid, alawaz, fa'il. Al-mazdar, mushahada, alawaz, mufa'ala. Khala'ada. Mushahada, c'est quoi le marna? Contempler, regarder. Et donc ça peut être, comme dans un hadith, le fait d'assister à la salat en groupe. Là, le shahidun al-salat, ceux qui ne font pas la salat en groupe. Qabala, qui est fait, le fait de faire une rencontre. Yuqabilu, le mudawaliya. Al-am, qabil, al-mazdar, muqabala. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup ils emploient ce terme-là pour faire, quand ils parlent de faire la rencontre avec une sœur, ou une sœur avec un frère. Pour le zawaj, l'ijin muqabala avec une sœur ou la sœur l'ijin muqabala avec un frère. Ce mot-là, shal'an, c'est pas ce qui est employé. Non, c'est khidba qu'on dit, et pas muqabala. Khidba. Chut. Et je dis cela. C'est khidba qu'on dit. Min el muqataba. D'ailleurs, celui qui vient parler une femme pour la proposition de mariage, on l'appelle al-muqatib. C'est lui qui vient dire ce qu'il a à dire. En fait. On ne l'appelle pas le Muqabil. Chut, il est ici. Inch'Allah, tout sera. Ah non, ça peut être là. Je ne pas dire Khatib. Il dit Bukhatib. Et la femme, c'est qui, à qui on parle, c'est le Muqatab. سامحة صرف سامحة مسامحة نعم سامحة مصدر مسامحة ساعدة يدي عدي يساعد ساعد مساعدة راسلة كي بدي فان تنين كون سبنون فان بار دي كوية سي شانجي دي كوية افلان تجي التحق رجوان يعني التحق سي رجوان فاسكير Issamaha, c'est comme Samiha. Neuf maradak. C'est Rasala, Yura Silu, Rasil, Yura Sala. La, Mou. Yura Sala. Raja. La ni révisé ou pas, on a quelque chose. Yura Ju, Raja, Moraja. Hawala, qui veut dire tenter. Yuhawilu, Hawil. C'est là qu'ils ont pris Yadibara, c'est un peu comme aussi une rencontre, mais c'est comme un tournoi, comme ils disent Mubarak Kourati Kodam, un tournoi de foot, comme Palmier par exemple. Hein? Je sais pas c'est quoi que tu gagnes. Tu gagnes le livre d'or ou je sais pas ce que tu gagnes. Ou tu gagnes peut-être. un tribut gratuit. Rabbara yubari bari mubara. Naam. Mubara. Enfin, al-bari, c'est la même chose. Hein? Al-bari, ça veut dire. Là, ça c'est bara. Al-bari, ça n'a pas. Là. Bari, c'est quoi le bari? Des aveux. Là, toi, tu parles de. Parce que c'est Hamza. Des aveux. Mais. Les bras, bien. Les mêmes faits à la Masdara. Donc, ce chapitre a deux Masdara. Deux messieurs de Masdara. Moufa'ala wa fi'al. Et on peut dire Moufa'ala et fi'al. Nahu, qatala, combattre. T'as deux Masdara. Muqatala. Et également, qital. يقول حتى المصدر على وزن فعال من الأفعال الآتية جاهد نافق عالج علاج علاج يعني سوني نادى appelé ايوه et le alif à la fin comme tu vois se transforme en hamza أصله نداءٌ. Ou plutôt lien. De toute façon, dans tous les firmes, hormis le soulati, quand c'est un naqis ou akhilou haf'illa, il mazar yuklab hamza. Yuklab hamza. Tamam. Yakul had asma al-fa'ilin min al-afal atiya. Donne l'ism fa'il, des verbes suivants. On a dit que l'ism fa'il, hormis tout ce qui est au-dessus du soulati, il vient sur sa forme du moudarir et on met un mime avec une dhamma au début. Donc c'est tous pareil. Du Rubai ou Soudassi, c'est tous pareil. C'est-à-dire, Rasala, Yurasilu, Murasil, Sa'ada, Yusa'idu, Musa'ada, La, Musa'idu, Musa'id, Naam, Safara, Yusafiru, Musafir, Shahada, Yushahidu, Mushahid, Jahada, Yujahidu, Jahid. راكب يراقب راكب معنى شرعي تمام ثم يقول لحد اسم الفاعل واسم مفعول من خاطب اسم مفعول كما قلنا سي كم اسم فاعل mais à la place de la كسره qui avant la forme الفتحه خاطب يخاطب اسم فاعل خاطب يخاطب comme les autres. C'est le comme ce qu'on vient de dire. C'est le khatam. On a dit quoi l'ism fa'il, comment on fait? L'ism fa'il, c'est un mukhatib. Mukhatib, et l'ism fa'il? C'est un c'est le fatha, tu mets à la place de la kasra. Mukhatab. يقول تعبل أمثلة لباب الآية عفوا تعبل أمثلة الآتية لباب فاعلة وعيد فيها الماضي المضارع والأمر والمصدر واسم فاعل واسم مفعول هنا la phrase et vous devez dedans définir ce qu'il y a de فاعلة soit un verbe soit مضارع ماضي ومصدر وأمر واسم فاعل مفعول يقول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة خلي الباب للمدينة النبوية عام 22 و600 donc النبي صلى الله عليه وسلم a émigré une vraie émigration depuis Mecca la Nubie jusqu'à Medina l'année 622 هاجر c'est quoi c'est الآيين الماضي أيوه فعل هاجر يهاجر هاجر لو جيسا بس أكوا فعل إيش ماضي بس نعم أو إيه en plus ils ont mis c'est j'ai pas vu en dessous l'ennemi est l'aide c'est le calendrier grégorien أصلح الله ثانيا سافر أبي إلى الرياض للعلاج mon père voyage à Riyad pour les soins médicaux سافر c'est فعل ماضي نعم Juste, tu dis différemment. Thumma. ذهبت لمقابلة المدير فلم أجده في مكتبه. Je me suis rendu pour rencontrer le directeur et je ne l'ai pas trouvé dans son bureau. Je n'ai pas le temps de regarder les programmes télévisés. C'est là, c'est pas le temps qu'il ne faut pas avoir, c'est le manque de piété qu'il ne faut pas avoir pour regarder les programmes télévisés. Et le fiqh sahih, une bonne compréhension aussi. Pour ceux qui diraient, ouais, les preuves, elles sont. Il y a une divergence sur le sujet, soi-disant. Khamisan. Là. نادي المراقب يا علي أبل المراقب علي المراقب اسمه فاعل وكذلك المراقب اسمه فاعل أيوة وكذلك نادي اسم في الأمر أنا مراسل صحيفة مراسل اسم فاعل Je crois que là, le Mourassil, ce qu'il veut dire par là, c'est un envoyé, ou un reporter, un journal, envoyé spécial ou autre. Ça va bien. Puis Tamzil, Rabbana la tua akhizna in nasina au ahtana. Donc, au Seigneur, ne nous blâme pas si nous avons oublié, si nous nous sommes trompés. Tua akhizna. Sur le mot d'aller. Non. Alors, pas mal. Minadayatil istiftah, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'ata bayna al-mashrik wa al-maghrib. Allahumma naqini min al-khataya kama tunaqi al-thawb al-abyad min al-danas. Min al-danas. Allahumma ahsil khatayaya bil-may wa thaj wa al-barad. Donc parmi les invocations du Siftah, qui s'est dit avant, au début de le Coran, Yakul, il dit, oh Allah, éloigne-moi, on va dire, de mes fautes, comme tu es éloigné entre le Mashriq et le Maghrib, entre l'Orient et l'Occident. Allahumma, oh Allah, on dira, purifie-moi de mes erreurs, comme tu as purifié le vêtement blanc des souillures. Ô Allah, nettoie-moi de mes erreurs par l'eau et la neige et comment ça s'appelle les grumes. Le barad. Je crois que c'est les grumes, si je ne me trompe pas. La grêle, quoi, je veux dire. Je sais pas. C'est barad. Il faut travailler. Et la shahid. Il n'y a pas un Baïd. Baïd. Le Baïd. Baïd. نعم هذا فقط. تاسعا عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري. قتادة دي جدي أنس رضي الله عنه est-ce que la prédit de main se faisait parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et il a dit oui رواه البخاري. الأشاعر المسافحة مسافحة المسافحة يسافحوا سهلما المصدر نعم مصدر Et un truc qu'il y a, c'est serrer la main, c'est une sunna. Par contre, chez Ayahé, ce qui n'est pas sunna, c'est le fait de bouger la main, relever la main, quand tu la serres. Ah. On fait comme ça. Ça, c'est pas quand tu la sunna. Et je crois que l'idée racontée de chez Al-Bani, c'est un tachabon de koufar. Si je me rappelle bien. Mais je suis pas sûr. En tout cas, chez Ayahé, il dit ça, le fait de bouger la main, là, c'est pas ça. Nous sommes phara, si tu prends la main, tu la serres, merci. عاشرا قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين donc il dit nous l'avons descendu lors d'une nuit bénite et nous étions avertisseurs مباركة نعم مباركة لا ça c'est pas un ordre مباركة اسم مفعول لا سنة ممكن يوفي منها طبعا فابن يقول إن الله على دف يعني نقطة جديدة إن الله لغفور رحيم هذه لم الابتداء دخلت على خبر إن المكسورة وتسمى حينئذ لم المزحرقة وها أمثلتان للم المزحرقة كتلا إن الله لغفور Dans Kalimat al-Ghafour, on a un lem qui est rentré. Et en fait, c'est le même lem qu'on avait pris auparavant, lem et le petit lem, c'est qui rentre le Moutada. Sauf que là maintenant, lorsqu'il y a dans une jumla ismiya qui commence par Inna wa Khawatira, a dit lem, Tantakil il est, ou cette jumla. Elle se déplace au milieu de la phrase. Donc tu dis Inna Allah la Ghafour al-Wahim. Comme on t'aurait dit, l'Allahu Ghafur Rahim, mathalam. Comme de l'Inde est rentré, l'Aim s'est déplacé. Yakoul, Tayyib, prends des exemples du L'Aim Muzahlakan. D'autres exemples. Et justement, quand Inna rentre, le L'Aim se déplace sur quoi? Sur le Khabar de l'Inde. Le Khabar. Et d'autres choses encore, mais Inch'Allah, ça sera plus dans le Tamima. Là, dans l'exemple là, qui est cité, elle est dans le khabar. Alors qu'à la base, quand il n'y a pas inna, elle rentre sur le mutala. Comme on a dit. Yakula walad, inna ilahukum la wahid. Certes, votre divinité est une seule, est unique. Donc là, inna shahid, la wahid. Ou inna awahan al buyut ila baytul ankabut. Et certes, la plus fragile des demeures est la maison de l'araignée. Inna shahid, la bayt. La baytu ankabut, la baytu nam. In ankar aswati la sautu, in ankar la sauti la sautu l'habir. Attends. Voilà, c'est celui-là. In ankar aswati la sautu l'habir. La plus mauvaise des voix est la voix de l'âne. Innahu la sautu nam. Innahu la Qur'an karib. La Qur'an. Nam, la Qur'an. إن أول بيت مبدع للناس الذي ببكة. C'est la première maison qui a été instaurée pour les hommes et celle qui est à Mecca. بكة c'est Mecca. أنا شاهد. للذين. نعم. Mais qui c'est بكة c'est Mecca. C'est Mecca. نعم. Comme tu vois là, لم يزعلك دخلت إلى خبر. خبر إنا. En sourat, l'aim ou l'itidam. Yakulta Asiyan, Kod fatat kadurus. Adat arabi kod kodarzna. Adat fi awal kitab. Les akim de kod, alhamdulillah, c'est un takoun pour l'anjah. Ils ont dakhalat kod à la fière le mardi, afadat et ta'kid. Donc kod, si elle rentre sur le fière au passé, elle a un sens de d'affirmation. Dans le rond, dit ta'kid, mais pas ta'kid. حرف تحقيق شوف هذا فوق اللي بيان رياليزي نحو قد وصلت الطائرة قد وصلت الطائرة قد فتح باب المكتبة donc il dit par exemple l'avion est déjà arrivé ou la porte de, du bureau a déjà été ouverte هذا في الفعل الماضي وإذا قلنا ماذا بمعنى القد في الفعل الماضي في معنى آخر القسم قد قال تقليل لا لا تكفير لا قد قامت الصلاة قريب تقليل يقول وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت donc si on rentre sur le fait au présent à la présence échec ou à l'ertimène genre le doute ou la probabilité hypothèse نحو قد يعود المدير غدا il se peut que le directeur vienne demain قد ينزل المطر il se peut que la pluie tombe اليوم قد يأتي المدير غدا أي يمكن أن يأتي غدا أي معنى il est possible qu'il vienne demain هذا معنى échec ou ertimène ب التقليل parmi ces sens aussi le تقليل le fait d'abandonner une chose qu'elle soit peu le fait de d'abandonner une chose qu'elle soit peu l'adduction d'une chose l'adduction de la réalisation d'une chose نحو قد ينجح الطالب كسلان أي أحيانا ينجح الطالب كسلان يعني il se peut que même l'étudiant fainéant réussisse ça c'est peu hein والعكس قد ينجح الطالب المجتهد et donc معنى تكثير قد كما قلنا il se peut que يعني l'étudiant studieux réussisse là c'est معنى تكثير que l'asl c'est que le مجتهد ينجح هذا هو الأصل طيب يقول ذو القربى ذو جد ذو من أسماء الخمسة طيب من أسماء الخمسة يعرب إعراب الجم ذكاء السالم Et son yarab, c'est l'arabe du jambu zakar salim. Ce qu'on appelle mulhaq du jambu zakar salim, attaché au jambu zakar salim. Ce n'est pas l'arabe du jambu zakar salim. Le jambu zakar salim, il y a un akhem, il y a un dawabit, il y a un shurut. Wadhu, il y a un shurut, le jambu zakar salim. Le mot dhu en lui-même, il n'y aura pas toutes les conditions du jambu zakar salim. Mulhaq du jambu zakar salim. Il y a des exemples, il dit, il me fait Zahou al-Kurba haqqu bi musa'aratik. On a Zahou, Zahoutana. C'est-à-dire, les proches sont plus en droit de recevoir ton aide. Donc là, Zahou, Zahou, on a Zahoutana, Marfou, Anatrafi, El-Waou, Niabatan, Zahoutama, Lianou, Moulhaq, Biljam Zafersan. Jalis ou Zahoui, l'Ilm. Yani, on a Mansou, Bilia, la Samahoubi. C'est-à-dire fréquente les gens qui ont de la science. Donc là, Zawi, Mafoun Bihim, Mansoub Bilfir, voilà, on tenance Bihim, Alia, Niabatan al-Fatha, Yanoum al-Haq, le Jabra Kassalim. Hadi Masakinu Tulab, Zawi, Al-A'ilat. Ça, ce sont les résidences des étudiants qui ont des familles. On a un majour Bilia. لأنه ماذا؟ وكل اللي مجهور بليا كل مجهور ذوي نعم يتبع الطلاب وصفة هنا هو نعت لكن مسكين طيب ومثل ذو أولو كلمة أولو معنى وإعرابا يعني c'est le même sens et c'est le même إعراب la même condition في سورة النمل قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك donc ils ont dit c'est à dire les notables de la reine de Saba nous sommes des gens de force et de puissance d'une forte puissance mais l'ordre te revient à toi quand il s'est exprimé à la reine, lorsque Souleymane leur a demandé de se soumettre à lui, plutôt. Donc elle les a consultés pour savoir comment agir. Donc Oulou, comme c'est dit par exemple, Oulou l'Amr. Oulou l'Amr, c'est les commandeurs, ceux qui ont le pouvoir, les gouverneurs. Foumé Akoul, Arafta Anna, Lakinna, Mina Khawat Inna, Harf Isidrak, comme on a dit Lakinna. تقول حامل مجتهد لكن صديقه كسلان تجي Hamid est studieux, cependant son ami est un fainéant. Il dit Khuffifat lakinna uhmilat wa dakhalat ala jumlatayn ismiyya wa fi'liyya. Donc lakinna, si on enlève la shadda qui est sur le noun, on dit lakin, sans shadda, elle n'agit plus. Elle n'a plus de travail. Il n'y a plus de ism tabara. Et là, elle rentre sur les deux formes de phrase, la jumla ismiyya wa fi'liyya. مثلا يقول جاء المدرس لكن الطلاب ما جاءوا. Le professeur est venu, cependant les élèves ne sont pas venus. Là c'est même la kinna elle ne travaille pas. Elle a plus de, elle a plus d'effet. Là elle travaille plus normalement. La kinna n'a ism un khabar. Là il n'y a plus. Toulab est mafour, c'est un tada. C'est pas ism la kinna. Ça c'est une jumla ismiya. Fitanzil, la kinidhalimoun el yoma fi dhalain mubin. Cependant aujourd'hui les injustes sont dans un égarement évident. On a dhalimoun, comme tu vois les marfois. C'est pas mon psaume. Mais si c'est la kinna, ça fait comme à. La kin serait la kinidhalimina. C'est autre qu'on a, c'est un des marfois. C'est neuf. Fanien, Rabbi Aliyun, Lakin Hadara Ahmadou. Là, maintenant, regardez, en bon jumelage, Chaliya. Il dit, Ali était absent, cependant, Ahmed est venu. Et là, Lakin, la Khalat à la jumla, Chaliya. Fitenzil, Walakin la Tashurun, Walakin la Yashurun. Cependant, ils ne s'en rendent pas compte. Donc là, Kazalik, la Khalat à la jumla, Chaliya. Et la Khalat à la jumla, Chaliya. Pas ma ta'amène. Elle n'a pas d'agissement sur ce qui vient derrière elle. Donc, mille, ça vient. Et attention entre l'akin qui est hamfa abs, ou l'akin qui est l'akinna mukhafafa. On en apprendra la différence entre les deux. Il y a deux lettres qui sont pareilles, il y a des différences entre elles. On va apprendre à distinguer, inch'Allah, entre bab al-abs, on va apprendre avec. طيب ثاني عشر ذلكم خير لكم هذا يتعلق بالحرف الخطاب في الاسم الشرع la lettre d'interlocution dans l'ism الشرع ça on en a déjà parlé l'ism الشرع تتيئ تلحقه بحرف بحسب مخاطب ذاك ذاكم ذاكي ذاكما كذا ainsi de suite ça qui veut viser là maintenant يقول يجوز في كيف الخطاب في ذلك وتلك التصرف c'est-à-dire التصرف que tu l'écris en fonction de qui à qui tu parles il s'adapte à l'interlocuteur il peut être ذلك tout le temps كيف avec une fatha même à une femme même à un groupe tout comme tu peux changer le mot au pluriel ou au féminin en fonction de l'interlocuteur ومن التصرف أن يراعي المخاطب et le mot التصرف ce que je viens de dire là qui s'adapte à celui à qui tu parles. Nahu, liman zalikum daftar li ikhwan. À qui ce cahier ou les frères? Donc là, en al mukhatab, les frères, ya ikhwan. Fatakul zalikum. Akarati tilkil mujallati ya amina. As-tu lu ce magazine ou amina? Pour un shahid, tilki. L'en al mukhatab, amina. Mouannafa. Donc en al musanna, est-ce que tu as dit? El karatuma, ou el karatuma. ذلكما المجلة يا خويا مثلا لا تشبه دو بيرسون en français on parle très bien le ذلكم ou ذلكي mais en arabe tu vois la différence mais tu vas pas dire ذلكي un homme mais tu peux dire ذلكي une femme tu peux le dire le A c'est كيف avec une fatha mais tu peux le changer en fonction de l'interlocuteur طيب ثالث عشر يقول كما جاء في الأعياد يغفر لكم هذا جاء في سورة في الآية في سورة الصف الطويلة ذكرها في النص يقول هنا يغفر مجزوم بالطلب ذلك لأن تؤمنون في الآية السابقة بمعنى آمنوا وهذا الجرسي كما جاء في دين تؤمنون بالله ورسوله المعنى آمنوا بالله ورسوله le sens c'est faire amour donc c'est un talab Donc de là, Fajr il fait quoi? Majzoum, mitalab. C'est pour ça qu'il a fait le lakoum, il est venu majzoum. Comme on a pris parmi les Jawazi, mitalab. Ada Amil Ma'nawi, Mawalazi, wa Ma'nawi. Si on demande pourquoi il a fait le lakoum ou majzoum, t'as le talab. T'as aïna fait le talab. T'as minuna billah, mana aminu billah wa rasouli. C'est un sens de amr, d'impératif en fait, muqaddar. طيب رابع عشر عيانة على المصدر على يعود بمعنى زار يزور بمعنى زار المريض عاد يعود على بس معنى رجع هو بنيا المصدر عود بقصد عيادة في معنى زيارة تكون تعود المريض أي تزور المريض Tu visites le malade. Voilà, wazn fi'ala. Ala wazn fi'ala. C'est un foulafi. Yakul hat el masdar min afal atiya ala wazn fi'ala. Donc donne les masdar des verbes suivants sur la mesure fi'ala. Darasa. Ala wazn fi'ala. Dirasa. Kataba. Kataba. Zara. Ziyara. قراءة ولد ولادة روى رواية فد ناعشو أطبقتي طيب خمس عشر يقول مدي مصدر مضى يمدي وولى وزن فعول وصله مدوي Je lui avais dit, ma dalil alakum tazkurun, que lorsqu'on a un mot avec un waou, saakina, et un ya qui suit derrière, on fait un idrom. Vous voyez, vous faites un idrom, et on a quoi? Un ya mushaddada. Donc, à la base, mudouiyun, on va devenir quoi? Mudiyun. Le waou là, on le rend dans le lien, on transforme en ya pareil. Ça fait mudiyun. Tiens, là, c'est un coup de radar, il faut tout le sens. Là-bas, inshallah. يقول حق مصدر هوى يهوي على هذا الوزن هوى ايوه معنى سقط طبي شوار حق مصدر على هذا الوزن هواية لا الوزن فعول فعول منتهى الجموع خذفا ما زاد على أربعة les mots qui ont plus de on va dire qui ont 5 lettres ou plus lorsqu'on fait un jam leur jam fait rien à la sirat منتهى الجموع يعني la wazma fa'il ou ma fa'il et on oblige d'enlever tout ce qui dépasse ces 4 lettres tout ce qui dépasse ces 4 lettres on enlève par exemple barnabaj jamu barabij on enlève quoi là Noun. On va enlever le noun. Hatal alif dans Baramij, je crois que c'est pas le même alif que dans Barnamaj. En tout cas, tu enlèves deux, une ou deux lettres. Celle qui dépasse la quatrième. Masalan, yaqul. Safar djel, c'est un fruit. Al-djam, safarij. On enlève quoi là? اللام عن كجود عادي الجم عناكب ونقول لكم هذا اي نعم الدلت واو وتاء الدليل سغفنيون الجم عنادم حش ضفنا و الباب نعم مستشفى معروف بيتال مشافي بس كيف سلمون ذي قوالا Le sin et le ta. On a deux lettres. Le sin au début et le ta. On peut dire aussi Moustachfayat. On peut dire aussi Moustachfayat. Mais là, on parle juste de celui qui a un jam à la sirat ou d'un jumoua. C'est-à-dire qu'il est le dernier niveau de jam. Il n'y a pas de jam avant lui. Comme on l'a dit, les mots, ils ont plusieurs jams. Sauf c'est le dernier, le plus haut. Yakul. Sabi Acha. Tujmahu. Khati Atun. Il y a une faute. Erreur. Ala Khataya. Ijmal Asmal Atiya. Adal Jam. Donc maintenant, il dit, mets le jam, les noms suivants, sous la même forme. Ala Sayakun ni Derset Ati. Hadiya. Ça, c'est un cadeau. Matiya. C'est une monture. Maziya. C'est un privilège, une vertu. Saliya, c'est un pouvoir de 100 hommes, à peu près. De 100 hommes. Shaziya, c'est un éclat d'obus. Bariya, ça c'est la terre, la création terrestre. Wazawiya, c'est. Ah non. À quoi un homme? À quoi un homme? Famine Achar, il y a quoi le had el fiat el ladij tout comme une roue, ismu tawdil, awhan, awhan afali. Ou à ce qu'on lui doit le modori ou le master? Alors, à quoi le truc la coma, à de quel verbe a-t-il été pris? C'est quoi le mensonge du verbe? Aouhan, qui veut dire plus fragile, plus frêle. Inna aouhan il bouyoud, la bête ou la rancavout. On y a qu'on ouvre arba ayat, boulida fiha, adel fiha. Allez, celui-là, je pense que ça va être long pour vous retrouver pour un jour. Je vous le laisse. Tu pourras lire tout le Coran de ce soir jusqu'à demain, chercher? Je ne crois pas que tu arriveras. Et Arslan, le Kalaf el Koran, il n'y a plus de différence ayam, pas le chien. Mais si tu as rien trouvé, un ou deux, la reste. Le fier de Aouhan. Le fier duquel vient le mot Aouhan. Tu dois trouver quatre versets dans lesquels ce verbe est cité. Sinon, tu vas marquer Bachabila. Tu tapes, tu vas trouver les quatre chats. Allez, je vous donne. Trouvez-moi au moins un ou deux. أو ده غصوية لغير تاسع عشر يقول حد المدارية من أنظرة كيف يدير أنه سي شوز أنفر بير بتخويف أنظرة حد المدارية المدارية زيرو ضيعة كيف يدير فير بير ها عندك ضيع في يضيعه حصة حسيت يحسو يحسو خلاص يحس يحسو يحسو في فرق بس في فرق أسيت بوسيدا طيب مفهوم هذا خير هنا وسبحانك اللهم ديك لا يكفي استغفرك وتوب إليك